baby, baby, no more. You know? Baby, baby, no more. Les petits ont insulté les stars, je cautionne pas mais je comprends. Médiateurs et psychologues, eux, ils ont mis trop de temps. Mes blessures sont réelles, suis-je un rappeur conscient? Je ferai jamais confiance aux femmes, fois que l'amour c'est constant. Des coups de fouet sur mon cahier, j'suis un fils de nec de Renoir. Quand le passé refait surface, ben le présent se noie. Quand mon destin a plus d'inspire, le mec tout improvise. Un bonheur imparfait vaut mieux qu'un amour impossible. Tu veux ma peau? Prends une arme et représailles, ne blague pas. Maman sèche tes larmes, je prendrai la place à papa. On se regarde de travers, vu qu'on s'apprécie pas. Si on vient pas du même quartier, c'est sûr qu'on se mettra 6 balles. Les traces sur mes ancêtres me laissent des petites marques. La trahison des miens me laisse des stigmates. La trahison des miens me laisse des stigmates. La justice sort de l'eau pendant que les petits se noient. L'acharnement policier me laisse des stigmates. L'acharnement policier me laisse des stigmates. C'est mes punchlines tristes qui t'aideront à penser. À cause d'une ère de la guerre, on s'ouvre les veines devant le banquier. Condamné à vivre comme un noir, appelle Martin, dis-lui que je rêve plus. Mes gros cystes et hulots, eux rêvent encore de verdure. J'aime être seul, j'mets une distance avec mes potes. Si tu te suicides devant l'église, le paradis t'ouvre pas ses portes. Personne m'raquette, non, l'Afrique part d'endettement. Du sang sur mon vêtement, FAB dead, non. Partir en mission, vu qu'on a des armes de pointe. Paupières sous perfusion, vu qu'on pleure des larmes de sang. J'ai aimé des femmes, j'ai aimé des flammes, ouais. Des dents à bas des armes, pour sauver mon âme, ouais. Les traces sur mes ancêtres me laissent des petites marques. La trahison des miens me laisse des stigmates. La trahison des miens me laisse des stigmates. La justice sort de l'eau pendant que les petits se noient. L'acharnement policier me laisse des stigmates. La symphonie des chargeurs, sur le piano est posé le Glock. D'après la balistique, je peux partir sur une fausse note. Un contentieux réglé au fusil à pompe. Comme le banquier, je m'étais pas trompé sur ton compte. Des mains faites pour le dos, du centre les phalanges. Les rumeurs sur moi, comment dire, ben je m'en balance. Quand t'as besoin de soutien, c'est mieux de ramener du monde. Après la symphonie des chargeurs, viendra la force du nombre.